Voici l'humeur de Guillermo Guiz. Non, sans blague. Mais si, absolument, mais bonsoir. Si. Mais oui, bonjour les amis. Mais je le savais. Mais oui. Mais arrêtez de faire comme ça. Alors, arrêtez comme si je le savais. Oui. Bah oui. Absolument. Vas-y. Alors, on est à 4 jours. T'as l'air gêné là. Non, pas du tout. On est 4 jours après les demi-finales des championnats de France de présidence et l'heure est grave, y compris pour les blaguistes professionnels de l'émission. Alors, en ce qui me concerne, je vais vous faire ma chronique en entier. Par contre, ici, moi, je suis pas vraiment sujet à la censure. Honnêtement, pas par choix, mais juste pour d'évidentes raisons de tout le monde s'en branle, ce que je raconte. J'ai regardé les chiffres d'audience de mes billets, il y a des articles sur les batraciens qui font plus de vues. Quoi. Sérieux, Salamandre, une révolution ovipare, 120 partages sur Facebook, ma meilleure chronique, 11. Donc à la base, moi j'avais envoyé un texte hyper dur, sans concession et tout sur les élections, mais quand notre rédacteur en chef Jean-Baptiste Bussière a dit à Nagui, on a un problème là, qu'est-ce qu'on fait avec la chronique de Guillermo Guiz? Nagui a répondu, hein, qui ça? On n'a pas tous le même impact toi, dans ces missions. Ça fait deux fois que je croise Nagui dans les couloirs et qu'il me demande si je me sens toujours bien sur France Culture. Et quand je le croise autour de cette table, ça fait deux fois que tu me croises et tu me dis bonjour toi. Il me dit, mais enfin, il me dit, je viens de vous voir dans un couloir, vous que vous faites ici? Ça commence à devenir vexant cette histoire. Du coup, bon, comme de toute façon, cette chronique va s'autodétruire dans. Maintenant, je vais m'en tenir à cette consigne de vote. Votez en pensant à nos enfants. Voilà. Enfin, surtout aux vôtres. Parce que pour être honnête, les miens sont encore rangés dans mon système reproductif. C'est dommage, hein, Cécilie, parce qu'en Belgique, là, on a justement tous un avis sur la question. Il y a 2 millions de Belges qui ont regardé vos élections. Je crois qu'il faudrait que le roi fasse une pure sextape avec le père Albert pour avoir autant de Belges devant leur télé. Bon, franchement, chez nous, c'est exceptionnel. D'habitude, vos présidentielles, on regarde ça d'un œil distrait en se disant « Ah non, pas Sarko quand même !» Mais plus quand tu regardes le film du dimanche soir et que t'as envie que le méchant meure à la fin, quoi. Ça va pas plus loin que ça. Ici, votre élection, t'as l'impression que c'est un match de Coupe du Monde et que tous les Belges sont devant le stade, comme des crevards, sans ticket, comme ça, à essayer de choper les miettes, en fait, vraiment. Je trouve que pour la peine, on mériterait tous d'avoir un quart de voix, comme Vincent Delerme. J'ai pas dit Vincent Delerme sur France Inter, mais j'ai franchi une ligne rouge. Un petit coup de censure. Vous le comprendre. Chez nous, en Belgique, c'est une particratie de consensus, c'est-à-dire que nos élections principales, là, tu votes, et le soir, on te dit quel parti est en tête, et puis les négociations commencent. Et genre, 8 mois plus tard, on te sort au JT. Tiens, en fait, on a oublié de vous dire, mais le Premier ministre, c'est un tel. Ça pourrait être ton fromager ou ton prof de sport. C'est pareil. Entre temps, t'as complètement oublié pour qui t'as voté. Si t'es de gauche ou si t'es de droite, t'es passé à autre chose. Mais en France, le storytelling, il déglingue. Tu votes le dimanche midi et à 20h au JT, t'as les têtes des deux finalistes qui apparaissent sur ton écran après un décompte. Et limite, quand t'arrives à zéro, t'as envie de crier bonne année. Puis quand tu vois les deux têtes en question, t'as fait non, putain, c'est quand même long, 12 mois. Franchement, c'est serpentin tout de suite. En plus, pour le vivre un peu de l'intérieur, pour la première fois, je sens cette gravité, quoi, cette atmosphère pesante. Je veux dire, avant de rentrer en Belgique la semaine dernière, j'ai dit allez, bon vote à mes potes français. J'avais l'impression d'avoir dit allez, bon Aïd à mes potes moutons, quoi. Grosse pression. C'est vrai, ceci dit, je comprends. Plus rien ne semble impossible dans ce monde. Moi, tu me dirais dans 3 mois, il y a une guerre nucléaire. Et tout, je suis prêt à te croire. Quoi. Tu me dirais, tu verras, dans 6 mois, Nagui va respecter un stagiaire. Daniel Morin va débarquer propre dans l'émission. Je me dirais, ok, mais il y a eu le Brexit, Trump, le PSG, tout est possible dans ce monde. On n'est pas à l'abri d'un peu d'éducation chez les plus rustres d'entre nous. Et c'est pour ça que l'ambiance est plombée. Même les salles de spectacle, figurez-vous, sont moins remplies que d'habitude. Quoi. C'est vrai, hier, j'ai eu moins de monde. Alors que d'habitude, c'est plein. Et autour de cette table, vous êtes bien placés pour ne pas le savoir, puisque vous n'êtes jamais venus. Mercredi 21h15. Vite qu'on passe au Golden Boy de la finance. Pour que vous puissiez tous faire comme d'habitude, râler 5 ans contre votre président, laisser les Belges à leurs affaires et nous ramener dans cette émission les meilleurs d'entre nous. Allez, bonne journée. Exact. Merci bien. France Inter, Nagui, la bande originale. C'est vrai, faut le dire, c'est tous les mercredis 21h15 et c'est où, Guillermo? Au point virgule, merci Leïla, ça me touche que vous faites. C'est important pour la suite de ma carrière. On va peut-être vous laisser tous les deux. Non, mais attends, j'ai toujours fait pour tous nos camarades humoristes. Pas de raison, on peut le faire pour les Belges. C'est vrai. Mais non, surtout pour Guillermo.